qu'il était doudé. Qu'il était doudé, mes doudous. Qu'il tardait à doudou d'ouvrir tout son cœur à Dédé. La lune éclairait les eaux noires du lac salé. Doudou a plu Dédé. Et sur le chemin qui les mène à Gros Caillou, Dédé a plu doudou. Elle se demandait d'où venait son amour pour Dédé. Et Dédé doutait d'où d'oublier un jour sa doudou. Le sable des dunes était chaud comme leur peau. Doudou a plu Dédé. Il s'aimait d'amour, doudou, c'est de fruits nouveaux. Dédé a plu doudou. Mais le mois des pluies revint pour une autre doudou, plus doré, plus dodu. Il s'en est allé très loin à l'autre bout de l'île et n'est plus jamais revenu. Le vent se soulève et secoue les bananiers. Doudou n'a plus d'aider. La pluie fait des ronds sur les eaux du lac salé. Doudou n'a plus.